maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Planet Rap reçoit MZ. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap MZ, c'est maintenant sur Skyrock. C'est la MZ sur Skyrock et c'est parti, coup d'envoi de cette troisième soirée. Ouais. Messieurs en forme. Toujours. Bien. Toujours. Et toi? Et bah plus on avance dans la semaine, plus on se rapproche de la sortie. Ouais, 4 mai, affaire de famille. J-5, c'est ça? J-5. Le 4 mai, affaire de famille. Lundi 4 mai, après le long week-end qui se prépare, parce que vendredi c'est 1er mai, c'est férié. Oubliez pas aussi de précommander, on peut l'avoir avec des morceaux tout de suite. Hein. On peut l'avoir tout de suite, même tout à l'heure à 21h, il y a le clip Ma Substance qui sort. Ah, il y a un autre clip qui arrive aussi. Ouais, une prod de Equinox. Un clip qui a été réalisé par TBMA, des mecs de Toulouse, franchement lourd. Et aussi, je tiens à souligner aussi qu'il y a une édition supporter qui sort. On commande sur internet 500 albums dédicacés par la MZ. Et dans les 500 albums dédicacés, il y en a 5 qu'on livrera directement chez eux. Après, tu peux habiter même en Guadeloupe, tu sais. D'ailleurs, plus tu habites loin, mieux c'est. À mon avis. T'habites à La Réunion, même t'habites au Québec, on vient. Mais justement, tiens, je voulais dédicacer. Il y a des Canadiens qui nous écoutent en ce moment. Je sais pas s'ils sont au Québec. Ils m'ont filé, enfin pas leur adresse, mais la région où ils sont. Ils écoutent la MZ chaque soir. Ça fait plaisir. Et ben, si vous voulez l'album et peut-être être livré à domicile, on va faire un voyage. On va voir ça dit quoi là-bas. Plus c'est loin, mieux c'est. Et comment on fait alors pour commander? Faut aller où? Sur un site en particulier? Faut aller sur le compte MZ Group. Et dessus, il y a les liens, en fait. Donc, tout est expliqué. Et vous trouvez les 500 exemples. Je vous ai vu dédicacer. J'ai vu les photos, donc vous avez bien dédicacé. Ça a été du taf. Ça y est. Et avec peut-être une livraison à domicile pour 5 personnes. Mais après, dans les 500 albums dédicacés, il y a aussi une casquette. Et il y a les clips détaillés. D'accord, donc c'est une vraie belle édition. C'est un petit cadeau. On essaye de faire ça bien. Affaire de famille. Les 500 premiers font partie de la famille. Allez-y, vous balancez vos messages ce soir comme d'hab avec le hashtag MZ sur Skyrock. Que se passe-t-il ce soir? Est-ce qu'on découvre un titre inédit? On découvre Ma Substance. Ouais. Ma Substance, qui sera clippé pour tout à l'heure 21h. 21h sur la chaîne MZ Vivo. Ouais. Mais pour l'instant. Et après, on fera un live de Chapalo, un track de l'album. Affaire de famille. Ouais. On pourra découvrir ça. Mais pour l'instant, on fait comme d'habitude, on commence. Je suis un menteur. J'ai cette faiblesse, tout comme beaucoup. Ah, rappelons, les meufs aussi, c'est des menteuses. Hein, ah oui. Bah, là-dessus, oui, c'est vrai qu'il y a une égalité. Il y a la parité. Il y a une égalité parfaite, en fait. Allez, on balance le morceau, c'est extrait d'affaires de famille maintenant. T'as capté. Mais affaire de famille, à 21h, Ma Substance sur MZ Vivo. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur. J'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. Tu sais que j'aime pas te voir dans cet état. J'ai pas de mouchoir sur moi. En plus t'es pas belle comme ça. Ton maquillage dégouline sur ton visage. T'as cherché, t'as trouvé en fouillant dans mon téléphone. Affaire de famille, le 4 mai dans les bacs. Alicia, Katia, etc. Maintenant t'as l'impression de faire une chute de cet étage. Autour de toi, le monde s'écroule. J'ai l'air d'un con mais j'essaie de rester cool. Aucun de tes ex n'a pris aussi soin de toi. Aucun t'a baisé comme moi. Aucun de ses couples n'est aussi mignon que nous. Et si tu pars, j'espère que tu reviendras. Garde-moi une place dans ton cœur, je te garde une soumettra. Au pire des cas, je penserai à toi. Dans les bras d'une autre meuf, la vie est belle. La mort est proche et l'amour est une épreuve. Et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur. J'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. Et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis des gros clips ce soir. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. M'appelle, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Galactique S. Moi je sais, je suis un bâtard, mes parents n'étaient pas mariés, mais veux-tu coucher avec moi? Viens, on se fait la guerre pour mieux se faire l'amour. Peut-être que ce sera l'une des dernières fois. Trois pas qu'au doigt pour mes ennemis, t'as visé l'annulaire. Garde la foi. Je suis pas le tocard de tes morceaux de souk. Je suis plus rusé que les tocards de tes morceaux de souk. Regarde pas mon portable, il est méchant, mais il te fait des bisous. Je lève jamais la main sur une femme. Je mets en île missile, en île missile. Deux, trois cheveux coincés dans le calbar. Là, je suis sorti d'un homicide. Quelle bonne homie. Affaire de famille, le carmel. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir, je dormirai seul. Chez nous, l'amour n'a pas de cœur. Bébé, l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. Le 4 mai dans les putains de bacs, les gens recommencent sur Pitchune. C'est la robe de sa petite cousine. Je suis le roi des abrutis. Je me suis encore fait attraper ce coup-ci. Eh. No stress, retournement de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. J'ai déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer. Trop serein ici, c'est moi qui gère. Des mots d'amour autour d'un resto. On se fait l'amour, on se fait la guerre. Ça peut aller très vite à cause d'un texto. Par contre, toi, si tu me trompes, je te casse la gueule. Je rigole, je m'en bats les couilles, j'en sers une autre. En vrai, il n'y a pas que des menteurs. De me feront du dégât par un autre. Affaire de famille, le 4 mai dans les bagues, MZ clic. Voilà, voilà, voilà. MZ, voilà. Je suis un menteur, c'est extrait de l'album. Je suis un mytho, ça marche aussi comme ça. Ouais. Affaire de famille, et vous doutez bien qu'avec un morceau comme ça, je ne pouvais pas passer au travers. Et je dois, c'est une nécessité de vous faire un quiz mensonge. Bon, on va mentir alors, y a pas Attends, tu vas voir les questions. Par exemple, ça commence tranquillement. Vas-y. Le dernier mensonge que vous ayez fait, chacun votre tour. Je m'en souviens pas, je mens toute la journée. Moi aussi, je m'en souviens pas. C'est bien, ça c'est une bonne réplique, c'est un bon bien botté en touche. Mon dernier mensonge, je crois que j'ai dit, je dormais chez Marlo peut-être. Et alors? Ah, je rigole, non, moi je suis... Non, franchement, je sais pas du tout. Ça fait longtemps, il y a 30 minutes quoi. Voilà, exact. À peu près. Peut-être. Ok, bon, pas mal pour ce bottage en touche. Deuxième question, deuxième quiz mensonge. Le plus gros mensonge que vous ayez balancé? Peut-être c'est quand on signait les carnets de correspondance à la place de Mazarone. Peut-être c'est ça le plus gros. Mais devant le juge peut-être. Non, ouais. Mais devant ça c'est des petits, t'es obligé. Ah mais on est tous des menteurs. Ah non, mais tu jures sur la vie de ma mère, j'étais pas là. J'ai la vie de ma mère, j'étais pas là. Relevez les empreintes. C'est pas moi. Relevez, tu sais, ils vont pas le faire. Non, ça doit être ça. Non. La même hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Le mensonge dont vous avez le plus honte. C'est quoi? Moi je crois que j'ai dit quand j'étais en primaire. Attends frère, quand j'étais en primaire, attends. Chacun son tour. En primaire, j'ai dit ouais, j'ai fait les Space Mountain. J'avais jamais fait les Space Mountain. Je disais aux gens, j'ai fait les Space Mountain. Un jour mon grand frère il est venu me chercher. Et la vérité, elle a éclaté. Devant tout, toi, à 4h30 quand tout le monde sort. Ouais, t'avais amené. Ouais, il a fait Space Mountain. Mon grand frère, il a dit quoi, Space Mountain? Tout le monde, il m'a regardé en mode non, j'étais un. Mais tu vas voir à la maison, il va faire Space Mountain par contre. Tu vas voir ce soir. Ce soir, il aura le droit au Space Mountain. Le mensonge dont vous êtes le plus honte, vous deux? Moi? Non, c'est trop. Je me suis fait attraper grave. C'est vrai? Mais grave, c'était grave. C'était quelle affaire? C'était chaud pour toi. Une affaire de famille? Non, une affaire de dingue, gros. Je me suis fait attraper grave. Par ma meuf. Aïe. Et maintenant j'ai plus de meuf. Maintenant je suis seul. Parce que ici entre nous là, il y a personne qui a une meuf ici. Et voilà. Et c'était chaud pour toi. Et moi, plus sérieusement, bah moi c'était quand j'étais bien plus petit et que la police elle est venue chez moi et que ma mère elle me croyait. Aïe. Elle me croyait, mais vraiment, elle me croyait vraiment quand je disais que non, j'ai rien fait, je vendais pas de drogue, c'est pas moi, je lui ai vendu. Et que le chien, ce bâtard, il est venu, il est rentré dans ma chambre, il a tout cassé, il a trouvé les preuves, tout ça. Ah là, j'avais vraiment honte, la vérité. Ça fait mal, c'est hein. Sérieux, là, ah, ça, c'est le mensonge, c'est... vraiment, j'ai vraiment honte. C'est là. Bah, en même temps, c'est aussi des leçons de vie, mais j'ai envie de dire, voilà, ouais, peut-être qu'on fait pas les deux fois les mêmes conneries. On fait pas deux fois les mêmes conneries. En plus, on leur ment tous les jours, tu sais, on rentre chez nous, on a les yeux rouges. Ta maman a dit c'est quoi ça? Non, le pollen. C'est les allergies. C'est le pollen. T'es en plein mois d'hiver. En plein hiver. Je suis fatigué. Cette allergie, ça n'arrête jamais quoi. Bon allez, on va finir avec. Vous allez me dire là, c'est plus vrai ou faux. Donc vous allez me dire mensonge ou pas. Si je vous dis par exemple, Affaire de famille est le meilleur album rap français de cette année. Ouais, vrai. Non, c'est un mensonge vrai. Ou c'est un mytho ou c'est. Rien. Pour l'instant, j'ai écouté les albums qui sont sortis. Et j'écoute mon album. Non, je me dis non, mais non. Je préfère non, franchement, non, c'est sincère. C'est, hein, c'est pas. Il y a une musicalité. Tu l'as écouté, Fred? J'ai écouté cet album. C'est autre. C'est un autre univers. Comparé à ce qui se fait en ce moment, tu vois. C'est un autre délire. Franchement, je sais pas comment t'expliquer. C'est. Tu as un délire ou pas? Je comprends. Et attends. Et toi, je vais te poser la question. Ah non, moi je ne réponds pas à ces questions. Il est grand temps de mettre un morceau d'ailleurs maintenant. De la MZ, affaire de famille. Je réponds pas aux questions mytho, moi. C'est à vous que je pose la question, les gars. C'est à vous que je pose la question. Moi aussi, je tiens à signaler les 500 premiers, affaire de famille. Mais vous allez sur les pages MZ, les 500 premiers qui commandent. Les 5, il y en a 5, on va aller chez vous. Tu peux même habiter à. Je sais pas moi. J'espère. À Genève. Tu peux habiter à Genève ou à Bruxelles, on vient chez toi. J'ai retrouvé, tiens, c'est un Fred qui nous écoute justement au Canada. Lui, c'est la région de la Gaspésie. Vous voulez que je passe une dédicace à tous les Gaspésiens qui écoutent Skyrock en ce moment. Dédicace à la Gaspésie. Si vous découvrez la Gaspésie. J'espère que vous continuez à chuter nos sons tous les soirs avec ces shows là-bas. Ouais, c'est loin. C'est loin, la Gaspésie. À 21h, il y a ma substance sur la chaîne MZ Bebo. Voilà, et pour parler de cette musique, voilà, elle est en feat avec Chichon, qui est avec nous. Chiche la douane. Qui est sur le label Davidson Présente la Dictature, qui roule avec nous depuis le début. Bah, en même temps, on roulait pour Chichon. son nom, il veut tout dire. Son nom, il veut tout dire. J'ai envie de dire, c'est un pléonasme de dire ça. En fait. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on va balancer. On balance quel morceau alors? Voldemort. Voldemort? Issu du 3.5. Featuring Marlowe. Une prod de Dizzy Elbeat, 412 Alchimiste. Des beatmakers prometteurs. Et un clip réalisé par Jules Gondrat. Ouais, j'allais dire, il y a de l'image aussi, on peut mater aussi le clip. Hein. Dédicace à Raph, Jerem, Bifty, tous les mecs de Neuilly là-bas. Lourd. Molo, D1, t'as capté. La MZ. Affaire de famille, le 4 mai dans les bacs. Show. Je me lève gros barreau sur tes cocondames. Appelle-moi qui de l'os, tu connais comme d'hab. Je laisse en prendre de l'air, on tire son comme d'hab. Avant d'aller refaire la journée de 2-3 comptables. On se lève à n'importe quelle heure et on fait de la monnaie. On va baiser ce putain de rap game, mon double poney. Trop tu en comptes sur moi, dans la street ou dans la zig. Je dois tout niquer, j'ai pas le temps d'aller me branler. Froid, j'ai pas le temps d'aller me branler. On fait des sons de dingue depuis que tu dors, plus je suis de bonne humeur. Petit jaloux, on est partout, tu deviens fou, gros, je suis de bonne humeur. Toujours un fils de pute dans le checker pour t'inventer cette rumeur. Quand l'album sortira, ça fait rapport, ne seront plus d'humeur. Je me lève du bégo, je descends dans mon ghetto. Négro comme d'hab. Une feuille de la frappe et je roule mon bédo. Négro comme d'hab. Sa gorge est profonde, elle met pas les chicots. Comme d'hab. J'ai pris le micro, j'ai monté le niveau. Négro comme d'hab. Nouveau chèque, aujourd'hui c'est shopping, le compte monte en flèche. J'suis de bonne humeur. Je me lève à 15h, je sais que la vie est devant moi. J'suis de bonne humeur. J'ai les échos, les ennemis de mes amis sont en train de béton. J'suis de bonne humeur. Ta santé, les bouteilles sont pénètes, c'est nous. Je suis bon du bon son et tu kiffes, négro, c'est comme d'hab. Dans mon blunt, y'a que de la weed, négro, c'est comme d'hab. Moi et mon équipe, toujours la diff, négro, c'est comme d'hab. Tous ceux qui t'entourent sont tous des snitchs, négro, c'est normal. C'est Marlo fit vol de mort, bang, bang, bang. Oui c'est vrai, je baisse tes bords, bang, bang, bang. Mon rêve c'est tuer un bord, bang, bang, bang. Ouais c'est gang, mes négros m'appellent pour de l'oseille. Et le malin PM va t'arroser. Ils ont volé le flow Ricky Rose. J'ai mon ce soir, je vais baiser. Je me lève du pied gauche, descends dans mon ghetto. Négro comme d'hab, une feuille de la frappe et je roule mon bédo. Négro comme d'hab, sa gorge est profonde, elle met pas les chicots. Comme d'hab, j'ai pris le micro, j'ai monté le niveau. Négro comme d'hab, nouveau chèque aujourd'hui, c'est shopping, le compte monte en flèche. J'suis bonne humeur, j'me lève à 15h, je sais que la vie est devant moi. J'suis de bonne humeur, j'ai les échos, les ennemis de mes amis sont en train de béton. J'suis de bonne humeur. Ta santé, les bouteilles sont bénéfiques, oh, c'est nous. J'suis de bonne humeur. Ça ré, copine, ça ré, coquine. Y'a mon équipe, donc forcément un tas de kiki. Sur la piste, y'a trop de style, bien sûr, c'est nous. Arrête donc bien, négro, vite ta vie. S'en fout ta gueule, on te connaît pas. Tu fais des gestes de tir, fuck vous, vive ma clique. Quand tu fais foulec avec les petits peu, t'inquiète pas que nous, on sait, ça dépend de qui. J'suis de bonne humeur. Car mon talent m'a dit, normalement, bientôt je quitte ce merdier. Le futur sent bon, j'suis content pour mon frère qui bientôt devrait se marier. Négro, faut que tu meurs. T'as pas lance ton équipe et t'en as rien à foutre d'assumer. Au fait c'est pas mon problème. Moi je suis en route pour taper des coups qui sont. Mon Marocco toujours à droite, négro, c'est comme d'hab. Elle mouille sans que je la droite, négro. Y'a pas Sada et qui est Voldemort qui est né à J'ai baisé un million dans les toilettes de Poudlard. Un coup de baguette magique avec mon zizi tout noir. Je te balafe le visage comme un Harpoulard. Et je te coupe la teuté pour que tu perdes la mémoire. Ta mère la cougar pense à moi tous les soirs. Et ton père en a marre, je suis son pire cauchemar. Je rentre chez toi, quand il n'est pas là, je roule mes joints peinards posés dans son plumard. Ma tête est fucked up. Parle à mon cul, parle à mon cul. Non ne me compare pas à ces moldus. Je me lève du pied gauche, descends dans mon ghetto. Négro comme d'hab, une feuille de la frappe et je roule mon bédo. Négro comme d'hab, sa gorge est profonde, elle met pas les chicots. Comme d'hab, j'ai pris le micro, j'ai monté le niveau. Négro comme d'hab. Nouveau chèque aujourd'hui, c'est shopping, le compte monte en flèche. J'suis de bonne humeur. Je me lève à 15h, je sais que la vie est devant moi. J'suis de bonne humeur. J'ai les échos, les ennemis de mes amis sont en train de béton. J'suis de bonne humeur. Ta santé, les bouteilles sont bénéfiques, c'est nous, je suis de bonne humeur. Ah là là là là, t'as capté. Oh mon ego, je suis de bonne humeur. Dédicace. Oh mon ego, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Oh mon ego, je suis de bonne humeur. Voldemort qui figurait de bonne humeur là sur les projets précédents sur le 3.5, 3.5 exactement qui était sorti et qui est toujours dispo hein, d'ailleurs. Ouais, ah, sur les plateformes featuring avec Marlo, t'as capté. Il y a quelqu'un qui marquait, je les connais par cœur, le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 3.5, ouais, il y a des sacrés supporters gars, là, qui voulaient bien nous inviter à Montréal et en Réunion. Hey, nous aussi on meurt d'envie de venir vers chez vous. On va manger du poulet massalé. Et bah écoute, il y a des séries de concerts qui vont arriver. Il y aura notamment une date à Paris, vous l'avez annoncé déjà. Le 3 décembre au Bataclan. 3 décembre au Bataclan. Voilà. Et puis je suppose plein d'autres dates. Ouais, d'autres dates, pardon. On va faire de famille, on va faire une petite tournée. Pour Et aussi, je tiens à dire aussi le 25 juillet. Excuse-moi, Ademo, t'avoir coupé la parole. Ouais, pas de soucis. Le 25 juillet, on est à Nice. On fait un festival avec Migos, Pusha T, KRS-One. Ah oui! Tu vois, un petit truc. Donc ancienne, nouvelle génération. Ouais, en plein air, du soleil, barbecue, de la meuf. Ça fait partie d'ailleurs, tiens, puisqu'on parlait là, à l'instant de KRS-One, des gens que vous avez écoutés aussi dans le rap US. On était trop vieux. KRS-One avec son clash avec LL Cool J. Ouais. Non, on était pas nés. Ah bah ouais, mais tu connais au moins. Tu connais. Non, on se renseigne. Ouais, on révise nos classiques. C'était pas Tupac et Biggie quand même. Non, c'était pas non. Clash encore. Non, c'était même avant, je crois. C'était des petits clashounets. Ouais, des petits clashounets. Des clashounets à l'époque. New Yorkais, tu rentres. Il y en a toujours eu. Des petites altercations quoi. Sinon vous ouais, les souvenirs apologiques, ça date de quand pour vous, que ce soit US ou français, les premières US, grosses... Il y a des souvenirs, tu les veux même pas, mais c'est les gens qui te les mettent dans la tête, ça, avec Tupac et Biggie, tu sais. Ouais. C'est ce genre de souvenirs. T'es obligé de le savoir, mais c'est même pas toi, tu sais, les Michael Jackson, même si t'écoutes pas. L'album HP, des mots, l'album Chronique 2001 de Dr. Dre. Ah, ça, c'est. Franchement, ça, c'est un classique. Hein. Ça, celui-ci, ouais, il est sous ouf. L'oreiller. Ouais, parce que moi, je l'écoutais vraiment quand j'étais petit. Mm-hmm. Parce que j'avais mes grands frères, j'écoutais ça, mes grands cousins, tout ça. Ouais, généralement, en plus, si t'as pas de grand frère ou de grande soeur qui peut te faire écouter, c'est vrai que parfois. C'était lourd. Les grosses spots de Dre, des flows Eminem, Snoop. Watch! C'était sale. Donc ça c'est les souvenirs pour, ouais, pour la partie rap, rap carré. On est arrivé en 6ème, il y a eu 50 Cent. Ah ouais, là, c'est Inda Club, moi j'arrive en 6ème. Mais quand vous dites 6ème Inda Club, j'ai l'impression d'un seul coup, alors que c'est, pour moi c'était hier. T'as vu comment le temps il passe vite. On est jeune, tu vois, 50 Cent il fait une barre de traction mais à l'envers. Il go, tu dis c'est qui lui, tu vois, c'est des mecs. Après tu vois Econ, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire la même, hein, après, même le style, hein, même dans le rap français, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de 50, à l'époque il y avait beaucoup de 50 Cent. Aujourd'hui il y a beaucoup de Migos, c'est tout. Ouais maintenant c'est une nouvelle génération qui est là, avec ça change pas, avec les futurs, avec les Migos. Ça vous écoutez beaucoup aussi? Ouais, on écoute beaucoup, grave, tu sais, à fond dans la voiture, à fond, les voisins ils pètent un plomb, à fond. Toujours de la musique. Même pas que le rap, hein, y a tout. On écoute de tout. Il y en a qui écoutent du Azonto, des musiques nigériennes, il y en a qui écoutent des sons un peu dancehall, reggae, raga, tu vois. Après, des sons ivoiriens, pas mal aussi, le Zouglou. Tu connais le Zouglou? Tu es en train de parler à un mec qui tue toutes les pistes de danse. Attention, je n'ai pas fini. On peut pas tester ça. Je n'ai pas fini. À Malassonne, je crois. Un mec qui tue les pistes de danse à partir d'une certaine heure. Voilà. Mais Zouglou, c'est une. Moi, je te fais des ailes de pigeon, des ailes de poulet, je te fais des. Ah, ça c'est décalé, ça. Les gars, vous avez remarqué un truc, on lui a dit les Azonto, les trucs, nanani, il a réagi que sur les musiques de notre pays. Comme si on l'agressait. Ah non, c'est pas une agression. Non, mais moi j'aime bien, ça veut dire. Tu m'as fait justement, tu m'as tué. Tu sais la réaction que t'as fait. Tu m'as illuminé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qui connaît pas ça? Après, genre, moi j'aime trop ça, moi. Ah, mais j'aime trop ça, le Zouglou. Bah oui, mon frère. Les Sénégalais, les Harpoulards, les Tidel, les Aruna, c'est la danse du ventilateur. Et la danse du ventilateur. La danse de l'hélicoptère, tout, quoi. Au Mali, moi je cherche toujours une danse au Mali, hein, je trouve pas. Je cherche, mais je trouve pas. Mais c'est mes bros. Non. Mais en tout cas, c'est vrai que Zouglou, évidemment. Non, le Zouglou, c'est lourd. Vous aussi, vous dansez bien, les gars, ou pas? Dans l'équipe de la MZ. C'était quoi le deuxième? La rue tourne, ouais, non, ma fille. Ouais, il y a des gros danseurs de Logobi à la fin, là. Pas Logobi des gares, pas Logobi de la gare Saint-Denis. On parle de Logobi de Logobia. Logobia, évidemment. Logobi de l'ancien. Voilà, tu vois. Bon, bah la suite de ce cours de danse dans un instant, ne bougez pas. Si. On mettra quel morceau de la MZ? Embrasse-moi, ça c'est pour, tu vois, pour rappeler que tu vois, des fois on a besoin de. Tu vois, d'affection. J'ai peur qu'une meuf me lèche la langue. Capté ou pas? La bouche. Qu'elle mette du labello comme annoncé. Eh bien, écoute, nous continuerons donc cette discussion approfondie sur la danse, sur les femmes et sur tout le reste dans un instant avec la MZ. Sur le Chapalo. Bougez pas, dans quelques minutes, on passera aussi le son de Youssoupha Smile, ça arrive juste après ça. Youssoupha à l'instant, ce morceau qui s'appelle Smile, qui figurera sur son album qui sort le 18 mai. Et là, la MZ, ça sort le 4 mai lundi. Ça sort le 4 mai, il y a le Chapalo qui vient d'arriver là. Ah, il y a la boisson qui va monter là. Bonne nouvelle, le carburant arrive. C'est pour danser le Zouglou dans quelques minutes. Ne bougez pas, les images d'ailleurs sont dispo hein, sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock si vous voulez voir à quoi ressemble la MZ. Ouais. Allez cliquer. Si vous voulez voir des rappeurs qui sont pas trop, tu sais, qui ont la gueule un peu, tu sais. La galache. Des beaux gosses. Ouais, entre parenthèses. Un peu. Ouais, entre parenthèses. Entre parenthèses. Mi beau gosse, mi moche gosse. Mi moche, toi. Entre les deux. On fait ce qu'on peut, on se débrouille. Voilà. La MZ avec nous, on met quel morceau? On est promis quel morceau alors? Embrasse-moi, ça c'est un petit retour en arrière aussi, ouais, pour la MZ. 3.5. Une prod de crampe fait Akeda. Un sample, on peut reconnaître un sample de. Comment il s'appelle déjà le groupe? Ah. Bah dis rien, on va essayer de voir si tout le monde reconnaît. Pendentif. Ah bah voilà. Un sample de Pendentif. Et c'est un clip qui a été réalisé par Kevin Elamani qui a aussi réalisé Il a réalisé Je suis un menteur. Et là embrasse-moi. Franchement gros track. Et on rappelle qu'à partir de 21h, il y a des nouvelles images qui arrivent pour la MZ. Hein. Ouais, ma substance. 21h. Voilà. À partir de 21h, la MZ. Et avant de passer au freestyle par téléphone, on écoute donc ce morceau. Embrasse-moi. Affaire de famille de 4 mai. Mon bébé, yep, qu'allons-nous faire? faire maintenant? Veux-tu qu'on perde nos temps à parler de nos sentiments? Veux-tu que je te mente en disant ce que tu veux entendre? Déshabille-toi sans oublier tes sous-vêtements. Prends soin de moi comme un bébé. Dehors c'est chaud, y'a que dans tes bras que je me sens vraiment en paix. Entre tes hanches, c'est ouf, je perds la notion du danger. Si on me tue trois balles dans le dos comme l'abeille, iras-tu me venger? En somme, nous sommes mignons comme tout. On fume, on tise, on baise, ensemble on parle de tout. Sans parler d'amour, pas de ça entre nous. De tout ce qui sort notre bouche, c'est le seul sujet tabou. Embrasse-moi fort, mon bébé, plus fort, mon bébé. Laisse sur moi l'odeur de ton corps. Bébé, vivons d'instant présent encore et encore. Demain c'est loin et se projeter demande trop d'efforts. Yeah. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mette la bague à l'annulaire, je te dis bide mon mère, tout ça au week-end d'été. Accord de famille, le 4 mai dans les bacs. 29 plus du 4 septembre, si vous voulez péter la bonne boîte. Mon bébé, mon bébé. Ok, on se mettra ensemble parce que tu parles pas trop. Mais tu me balances des jeux, t'aimes dès que débute l'intro. Tu me connais que du net, apparemment tu m'aimes trop. Toi tu connais pas le prénom, toi tu connais que des mots. On s'est exilé autour, à l'aide lors des soirées poteaux. On t'entendait crier parce qu'il baisse comme un taureau. Je rentre pas dans les détails, de toute façon c'est prouvé. Y'a que celles qui ont pas su, c'est qui peuvent désapprouver. Et je l'offre pour toi bébé, je crois qu'au fond on est pareil. Et si t'as des doutes, appelle-moi qu'ils disparaissent. Je te l'ai jamais dit, mais bientôt je compte t'épouser. Et si tu crois ces conneries, donc cocotte, là je t'arrête. Prends bien tes pilules et ne me parle pas de marmot. Et ne me prends pas pour un con juste parce qu'on a tarot. Et si tu me gardes pour deux mois, là je te dirai bravo. Je t'en veux de pas connaître le prénom car tu connais que des mots. Tu connais que des mots. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la bague à l'annulaire, je te dis bide mon mère, tout ça un week-end d'été. Prends-moi sur le moment, vivons l'instant présent, demain c'est moi mon bébé. Mon bébé. Tu veux être avec moi? Est-ce que t'assumeras mon train de vie? Des fois je rentrerai tard le soir, avec les cheveux d'une autre fille. Tu t'imagines une vie de rêve? Mais moi je vise une vie de merde. En vrai je rentrerai pas le soir, tout seul en larmes dans ce pauvre lit. C'était juste pour le fun, mais toi tu comprends pas. Arrête tes petits, je veux pas rencontrer tes remparts. Tu t'imagines trop de choses, et peut-être que j'en aime une autre. Et puis va dire à toutes tes copines qui te servent de radar que je les emmerde et puis je suis un bâtard. En vrai j'ai pas besoin de love. D'abord faut que je fasse rentrer plein de l'eau. Embrasse-moi. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la bague à l'annulaire, je te dis bide mon mère, tout ça un week-end d'été. Prends-moi sur le moment, vivons l'instant présent, demain c'est moi mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Rencontrer ta mère, rencontrer tes frères, te faire de nombreux bébés. MZ, embrasse-moi à l'instant. Gigi, embrasse-moi. Ouf. Pendant que Rick Ross vient d'apporter les boissons pour la MZ. Carrément, c'est Momo de PLS, carrément. Après, écoute. Bon, là. T'as fait une envoyée dans la gueule, gros. Ah ouais. Bouteille de Bel Air. À la MZ, ils savent, hein, ils savent recevoir. On peut saluer d'ailleurs. TPLS, Momo. TPLS. Franchement, et aussi c'est rue du 4 septembre. Rue du 4 septembre. Et aussi, on a l'honneur dans les locaux d'avoir Chapeau. Le beatmaker dans le bendo. Je laisse. Ah non, c'est Chapeau, mais je laisse te présenter. C'est vrai, Cam Factory, Chapeau, Heisenberg, French Connect, ils ont produit dans le bendo. Ils ont produit Johnny. MZ, Affaires de Famille, Chopé. Des grosses prods. Franchement, dans le bendo, t'as écouté la prod? Bah oui, on l'a passé. Et Johnny. Et on le repassera d'ailleurs Johnny, aussi. Johnny, s'il est dans Johnny, c'est un extrait qui est dans Affaires de famille. Franchement, c'est deux prods lourdes. On était obligé de kicker dessus les mecs, ils sont vraiment, vraiment trop talentueux. Ah, c'est grave. Et ben, on salue tous aussi qui ont bossé autour de ce projet Affaires de Famille. À découvrir ce soir et toute la semaine entre 20 et 21. Passez une bonne soirée sur Skyrock. Il est grand temps d'accueillir Papa Cisco de Brignoles. Salut, Papa Cisco. Ça va, tranquille. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu connais la MZ? Comment on va les gars? Ça va et toi? Cisco. Ouais, tranquille. Ah, dommage que tu ne sois pas là, on aurait pas. Des trucs qui pètent de partout dans le studio. C'est pour ça que c'est un feu d'artifice. Bon, papa Cisco, toi tu viens faire le freestyle par téléphone. Voilà, c'est ça. Et ben on t'écoute, c'est parti. Yeah. Papa Cisco et que Cisco Berlusconi. Prendre un cœur. Yeah. T'as fait. On a tout envie de vivre à fond nos rêves. Le monde est un melting pot de guerre et de trêve. Face au mur, on se demande ce qu'on va faire. Se laisser abattre, d'être voué à l'échec. Quand l'amour remplace la déception, les portes se ferment. Personne n'est parfait, personne n'aura des idées claires. Au bord d'une falaise à méditer sur l'avenir. Tu n'as plus d'autre choix que d'avancer pour le meilleur et pour le pire. Pourtant de l'être, n'entrera pas sur ta route. L'amitié se déchire, au congrès de ta chute. Ne baisse jamais les bras quand les doutes provoquent une montagne. On peut s'en sortir, même après l'orage. Le soleil brille pour te montrer le chemin de la délivrance. Ne te retourne pas en arrière, ne replonge pas dans l'ignorance. La force est dans le mental, ignorer est une erreur. Être concentré pour éviter les épreuves. Le cœur a envie de parler en cherchant à se lâcher. On ne fait que plus garder longtemps le silence qui risque de tâcher. Libère-toi des chaînes qui t'empêchent de voler de tes propres ailes. Ton droit de but pour sortir de l'enfer. Et tout ton cœur et ta raison, c'est le plus important. On ne vise pas une vie à bout portant. Souvent t'as l'impression de ne plus savoir qui tu es. Tu te sens perdu, ne veux pas te tuer. Utilise tes émotions pour garder ton sang-froid. Temps abattant pour être meilleur au fond de toi. Donne-toi une raison du faire du mal à ceux qui te détestent. Donne-toi de la force pour rester toujours en place. La défaite laisse un coup amer, la revanche sera grande. La route tournera pour te donner une chance. Prends tout ce que l'on te donne pour être heureux. Un nouveau jour se lèvera pour t'emmener ailleurs. Yeah. Papa Cisco, à l'instant, on freestyle. Aïe, Papa Cisco, tu vois, pour les mecs comme nous, on prend ce qu'on nous donne pour être heureux, t'inquiète pas, gros. Merci. Merci à toi, Papa Cisco. Bien vu, ma gueule. Merci. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net, vas-y, hein, balance toutes les infos. Alors, déjà, sur YouTube, tu tapes ma chaîne, c'est Papa Cisco TV. Il y a mon Facebook, Papa Cisco Rap Musique, ça c'est le compte. Ma page officielle, Papa Cisco Officiel. Et puis, dédicace, alors ma famille, mon frérot qui t'en écoutait, Mister Yellow, Smokey, Vice Music, Nosferatos, bon anniversaire à toi, Ernesto Di Barrio, le maestro, MOHK, Zikler, Sarcasting, King SR, la moitié de PS Citroën, bientôt l'album, Mikey Mike, Wonder, Defri, Chris, Mark, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, Tristan, les Abou, Emily, la top 1, la base. Et tout le monde. Et puis Vendetta, pour ceux qui veulent le pécho en téléchargement légal, c'est sur mon Facebook et sur Bandcamp, bien évidemment. Merci. Vendetta. À toi, Papa Cisco. Merci. Passe une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. La soirée qui s'annonce plutôt bien. Hein. Ouais, plutôt cool. Ouais. On est cool. On est de bonne humeur. Pour la MZ. Ah, on est de bonne humeur. Bah, en plus, ça se rapproche la sortie de l'album. Ouais, carrément. 4 mai. Dis-moi 5. Ne loupez pas. Et les gens en préco. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les 500 premiers qui se connectent sur internet, qui vont sur les pages MZ, ils peuvent l'avoir dédicacé avec une casquette et les clips détaillés. Et dans les 500, il y en a 5, on va chez eux, on leur. Tu vois. Partout. Mais vous faites comme un tirage au sort, vous faites. Ouais, c'est un tirage au sort. Et après, on va là-bas. Que vous allez annoncer sur vos différents réseaux sociaux. Ouais. Très bien, donc allez suivre, allez cliquer justement à l'AMZ. Vous serez peut-être l'un des chanceux ou chanceuses qui recevra l'AMZ à la maison. Voilà. Il faut prévoir quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez bien? Un truc en particulier? Oh, nous, on vient, on fait plaisir. D'accord. On aime bien le chapalo. Voilà, on ramène le chapalo. Eh bah très bien, ce sera pour ceux qui vont aller récupérer ces 500 premiers exemplaires sur les réseaux sociaux de l'AMZ. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Ouais, avant que tout le monde soit trop ambiancé. Toujours. On est toujours trop. C'est quoi, c'est un extrait de l'album? Ouais, voilà, c'est un extrait de l'album qui s'appelle Chapalo. Et ben on y va, c'est parti. Ce soir, je tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Je suis dans mon délire. Ce soir, je ne rentre pas. Quelques copines à concéder des tibas. Ce soir, je vais me mettre sous Chapalo. Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Remballez-vous, Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Je suis dans la ville de Mon ghetto. Quand je suis Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Je suis dans mon check, faut qu'on brasse ça. Y'a que des numéros 10. Toujours ces mêmes clochards qui se jouent les numéros 6. Pour tous ces fils de bâtards, j'ai un peu pour sous mon lit. Gros, je fais le 4-4, donc je m'en bats les couilles d'être en I. Musicalement, je suis trop là, je suis pas là pour la déco. Ils sont tous à vous rendre sous Chapalo. Mais ils sont tous à la ramasse avec des points de déco. Et ça, je peux lui c'est une prod qui va tout me branler. Deux, trois flots pour les faire bander. Un tube pour l'arme est une branle. Tu veux de la gueule de rebelle, t'as qu'à demander. Trois bouteilles pour se fonder. Ma part à Lyonnais pour les condés. Je veux des sous jusqu'à plus pouvoir en compter. Ce soir je tombe dans la ville, accompagné de mes gars. Je suis dans mon délire, ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines, la conseil des débats. On s'est compris, ce soir je vais mettre sous Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Remballez vos diabolo, diabolo, diabolo, diabolo. Je suis dans la ville de mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto. Quand je suis Chapalo, je prends pas d'eau, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Chiffon comme tous les soirs et je fais plein de fois la guerre à mon froid. J'ai dit à Jack et Daniel de ne pas me faire cracher sur Twitch, ce soir ça va de soi. Merde, j'ai allumé mon VF aussi vite que mon pote LS Zahel. J'suis mignon, j'accoste une gros trop moche avec un gros boule à la Nicki Minaj. La fonte elle est bonne, le son il est bon, je ne danse pas, je m'ouvre. Mani m'a fait tellement dodo que j'ai sûrement loupé beaucoup de flous. J'ai entendu que l'alcool c'est de l'eau, j'suis passé au sirop sur mes chances d'être un salaud. Apprécier des salopes, j'plane dans les airs quand t'es fonce des gros, tu ne danses pas, tu m'ouvres. Ça représente ma vie quand tes potos m'envient et la folie m'emmerde. Surtout parce que je vis, c'est que t'appelles platine et tes rappeurs m'emmerdent. J'ai rodé un peu tout Paris, le super tupperware rempli de beaucoup d'air. C'est vrai que le temps c'est de l'argent. Et de l'argent j'en perds quand j'apprécie tes fesses. Ce soir je tombe dans la ville, accompagné de mes gars. Je suis dans mon délire, ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines, de la conseil des débats. On s'est compris, ce soir je vais mettre sous Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Remballez vos diabolo, diabolo, diabolo, diabolo. Je suis dans la ville de mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto. Quand je suis Chapalo, je prends pas d'eau. Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Comme ça que j'ai tout dans la tête, pas besoin de feuilles, pas de stylo. De la rue, je suis un poète comme tonton Mélophilo. Toi, tu n'intéresses personne comme les cours de philo. Et tu veux me tester, négro, hein, négro. Parce que t'as bu deux, trois verres, tu fais blaire, tu te sens chaud. Dans le club, tu t'as foutu, tout le monde sait que t'es qu'un faux. Je veux t'insérer la nympho, juste pour l'info. Et te froidis comme mon Chapalo dans mon sang. Les négros se trouvent drôles, négro, sors de ce rôle. Et va me tester encore. Mais je sais qu'elle aime baiser sur du DMX. Ce soir je tourne dans la ville, accompagné de mes gars. Je suis dans mon délire, ce soir je ne rentre pas. Faut qu'on pète quelques copines, de la conseil des débats. On s'est compris, ce soir je me mets sous Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo, Chapalo. Remballez vos diabolo, diabolo, diabolo, diabolo. Je suis dans la ville de mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto, mon ghetto. Quand je suis Chapalo, je prends pas d'eau. Chapalo, Chapalo, Chapalo. Affaire de famille, le 4 mai dans les putains de bacs. TPLR. Des gros sons comme ça, tu pourras en trouver plein dans l'album. Les bouteilles de Bel Air. Wesh les mecs, vous êtes là ou quoi là? Chapalo, Chapalo, Chapalo. 4 mai affaire de famille, c'est chaud. J'allais vous demander de Chapalo, ça a une définition particulière. Ouais. Ben, tiens, Chapalo, je t'expliquais c'est quoi Chapalo. Ah. Tiens, Chapalo, tiens. C'est un alcool, tu vois, qui vient du bled. L'Afrique de l'Ouest, tu vois, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana, tout ça. Dans les villages, tu sais, c'est l'alcool pur, tu sais. Et ça, c'est pas du Jack, hein, ça te défonce. C'est un truc qui est distillé sur place. Qui est... Ça, tu vas en boire, tu le bois. Ça se boit dans les bidons d'essence, mon frère. Tu sais, dans les. Ah oui, c'est dans les bidons d'essence, des gros bidons d'essence, tu sais. Et tu sais, les darons, dès qu'ils vont là-bas, dès qu'ils reviennent du Chapalo, c'est chaud, poto. Marche, marche, c'est chaud. C'est des grosses caisses. Et voilà. Et nous, au quartier, l'alcool, on l'a surnommé Chapalo. Chapalo, c'est pas aussi puissant que. Voilà. Après, c'est des grosses caisses. C'est quoi d'ailleurs vos origines, puisqu'on parle de l'Afrique pour vous rien, trois. Il voit rien. Ouais. Tour de la table. Il voit rien, des fois moi. Sauf si je qui est sénégalais. Si. Ouais, des fois on me dit je suis japonais, je comprends pas. Ah bah oui, je suis métissé. Moi je suis un métissé moi. Par rapport au soir. Métissé avec quoi? Ouais, moi je suis ivoirien. Ivoirien avec? Mon père c'est un sénégalais zéro. D'accord. Buzz 2015. Mais je suis un. Mais sérieux, mais je suis un ivoirien. J'ai grandi, voilà. J'ai grandi là-bas, tout ça. J'ai fait l'école là-bas, je connais bien tout ça. Donc vous connaissez tous évidemment le Chapalo. Ah moi je suis un peu suisse, hein. J'étais en famille d'accueil quand j'étais plus en Suisse. Mais toi t'es suisse japonais. Non c'est vrai, j'étais en famille d'accueil en Suisse. Ouais grave, dans le canton de Berne. Mais c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller pour planquer les lingots. Et ouais, tout. Bientôt. J'ai un compte là-bas, personne ne le sait. Toi. Bientôt, je vais leur dire. Pour l'instant, il est bien crédité ou... Ouais, non, tu sais, on est là-bas, tu sais, petite entreprise. Macla Parquet à Gatoun. Au calme. Bon, salut en tout cas toute l'Afrique qui nous écoute aussi le soir. L'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, des, ouais, Sénégal, Sénégal, Côte d'Ivoire. La Centrafrique. Hein. si. Le Cameroun aussi. Le Cameroun, le Zaïre, le Congo. Ouais, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Vous avez joué là-bas ou pas? Vous avez fait des concerts déjà ou pas encore? Non, pas c'est le but, c'est le but, c'est le but. On espère. On espère avec le 4 mai, tu sais, faire toute la France et hors France. Mmh. Tous les pays qui veulent bien nous accueillir, nous, on est là-bas, nous. Tu sais, sauf la Corée du Nord, bien sûr. Non, je vais pas te mentir. Il n'y a pas de Chapalo, je crois. De toute façon, on a vu ça, il est en guerre avec. Nous, on a déjà un dictateur, la Corée du Nord. Ah ouais, laisse tomber, tu sais. Faut leur dire qu'il y a Davidson là. C'est chaud poteau. Mais ses origines coréennes ressortent d'ailleurs. Ouais, grave. Il sourit pas, il est derrière et nous on là, est là. Là ce soir, il est très Corée du Nord. Ah ouais, laisse tomber. Ah non, c'est bon, c'est une Corée du Sud, il s'est détendu d'un seul coup. Bon, on est avec la MZ ce soir encore entre 20h et 21h. On met un dernier morceau, on est premier titre inédit. Ma substance. Donc ça, c'est le clip qui arrive. Hein. Qui est avec nous. Le clip qui arrive dans une vingtaine de minutes. Dans 20 minutes, il arrive le clip sur la page MZ Vivo. Pas trop donné, 18 minutes. Il est 42. Voilà, il sort à 21h. Il s'est fait chung chiche. Et bah là on va déjà écouter le son en exclu. Le clip c'est une dinguerie encore le clip. Affaire de famille, ça sort le 4 mai. On peut le précommander dès maintenant, le récupérer. Et voici donc ce morceau. Mais attends, mais je sais pas s'ils sont prêts parce que c'est vraiment chaud. Stop. Ce son il est vraiment chaud franchement. Bah, tu veux qu'on demande tout de suite, tu vois, ça va réagir tout de suite. Non franchement. Avec le hashtag MZ sur Skyrock. Est-ce qu'on vous le balance, oui ou non? Vous envoyez oui ou non. Allez-y, on va attendre 2-3 secondes. Le temps de rappeler évidemment 2-3 choses, que vous serez en concert aussi le 3 décembre. Ça c'est à Paris. Le premier Bataclan. Avant ça, franchement, les dates qu'on a en tête. Vendredi prochain on est au Mans. Le 14 on est à Lille. Le 22 mai on est à Vannes. Et le 25 juillet, on est à Nice. Après, il y aura d'autres dates qui vont, mais franchement, faire le tour de la France, c'est kiffant. Et allez-y, c'est parti. Je vois des messages qui ça commence à défiler. Oui, on veut le son. On a trop de. Ah, on a trop de vous accueillir à Abidjan. On est chaud. Allô, Babi. Babi. On est prêt à venir à Babi. Jamais ou ça. On est grave chaud. Oui, mettez-le, MZ, oui, Joker, mets-le, oui, passez-le, mais balancez-le, putain. À l'île de La Réunion, qu'on salue aussi. Ah, poulet massalé, les bonbons pimentés, non, j'aime trop cette île. La Réunion, elle est là, on est chaud. Vraiment le poulet massalé, non, lui, veut trop votre poulet massalé. Allez, j'ai déjà l'édition supporter, les gars. Ah, comment ça se fait? Ah, le Chapalo va couler ici à Abidjan. Bon, je crois qu'il est grand temps parce que vu le nombre de messages qui arrivent, je vois que des oui, j'ai pas vu un seul nom pour l'instant. Big up à Belzir. Franchement lourd. Le morceau s'appelle Ma Substance. Vas-y, balance ça. Le clip à 21h, affaire de famille le 4 mai. T'as capté? J'ai effrité ma substance, j'ai roulé dans ma feuille. Je l'ai collé juste à côté, l'encre, j'ai sorti mon feu. Et cette merde m'a emmené loin. Et cette merde m'a emmené loin. Du bel air dans mon red cup, vénérer mon époque. Beaucoup d'ennemis et peu de potes, mais j'ai le sourire, je suis fuck. Et cette merde m'a emmené loin. Et cette merde m'a emmené loin. Trouve-moi dans le ghetto complètement défoncé. Toutes les 5 minutes je fais que pisser. Évidemment que ce soir je vais bien pioncer. Jusqu'à y en rêver. La bouteille je lui nique sa grand-mère avec aucune peine. Pas dosage dans mes verres. La défense me monte à la tête et je m'en bats les yeux. On prend la voiture et on va foutre le spell sur Panam. Mes négros filent des grosses pipes, on est dans l'aquarium dans le plus grand des cas. Ce soir ça va être dur, je tenir à carreau. Toujours ce putain de verre de trop. Pour venir j'ai effrité ma substance, j'ai roulé dans ma feuille. Je l'ai collé juste d'un coup de langue, puis j'ai sorti mon feu. Et cette merde m'a emmené loin. 4 mai, affaire de famille, t'as capté. En featuring avec Chichon. Cette merde m'a emmené loin. Du bel air dans mon red cup, vénérer mon époque. Beaucoup d'ennemis et peu de potes, mais j'ai le sourire, je suis fuck. Et cette merde m'a emmené loin. Et cette merde m'a emmené loin. J'ai pas passé une soirée, mon poteau, sans la présence de la dame blanche. Mes poumons sont grillés comme les orteils à Tarzan. Mais le renouveau n'oublie pas assez parfois le présent. Pour le futur, j'aurais besoin d'une balance. Ouais, j'aurais besoin d'une balance pour me dire comment je ferai le bonheur de maman. Mon corps sur un canapé, mon esprit est ailleurs. C'est pas méchant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te connais pas, mais mon ambiance est belle. C'est plein de rites blanc, jaune, vert. Jusqu'à ma couleur est belle. Quand t'as des fesses, ma belle, ça te rend plus belle. J'suis fucked up, tellement plus belle. J'suis fucked up, pour ton poubelle. J'suis à jeun. J'ai effrité ma substance, j'ai roulé dans ma feuille. J'l'ai collé juste à côté, langue, puis j'ai sorti mon feu. Et cette merde-là, on est loin. Cette merde-là, on est loin. Du Bélair dans mon Red Cup. Vénère est mon époque. Beaucoup d'ennemis et peu de potes. Mais j'ai le sourire, j'suis fucked. Et cette merde-là, on est loin. Et cette merde-là, on est loin. J'suis loin. Yo, yo, j'suis loin. Oh, oh, oh. Tellement loin que je ne peux plus revenir. J'suis loin. Yo, yo, j'suis loin. Ma chaîne de vie, mes ennemis et mes soucis, je suis bien. Chiche, je suis loin. Yo, je suis loin. Tellement loin que je ne peux plus revenir. Yo, je suis loin. Le clip à 21h. Ma chaîne de vie, mes ennemis et mes soucis, je suis bien. Je suis loin. Reviens mon gars, Fleury, dédicace à tous les frères enfermés. Yo, yo, je suis bien. Yo, yo. Adamizo, Straz, Victor Chino, on est là. Le morceau s'appelle Masse Substance. T'as capté le Bel Air et tout, les petites références. Voilà, toutes les petites références. Et bah ce soir on est dedans. Hein. Voilà, ce soir carrément. On est dans le concept. Hein, voilà, affaire de famille MZ. Et le clip qui arrive donc dans les 12 minutes maintenant à partir de 21h. MZ Vevo. Masse Substance. Masse Substance, le clip réalisé. Par et vous voyez les messages aussi. C'est ça. Par TBMA, une grosse équipe de Toulouse. Des mecs de Toulouse, franchement, vraiment talentueux. Franchement, vous allez voir le clip, c'est vraiment lourd. Bah on en parlera aussi, il y a des producteurs, on en parlera aussi d'ici la fin de semaine, ceux qui ont bossé avec vous. Merci aussi à tous les messages qui sont arrivés, les gens, voilà. Hop, ouais, j'ai remarqué à chaque fois qu'ils sortent un clip, c'est à 21h. Ouais, ouais non. Ouais. Oh là là, alors toi, ça fait longtemps que tu suis pas. 21h, on en a sorti à 9h. 9h ouais, cette semaine. Ah oui, 9h, ok. 9h du mat, carrément. C'est on alterne. Et beaucoup Manon de messages pour la MZ avec le hashtag MZ sur Skyrock. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyroulette. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planet Rap 2015 et un bon d'achat de 60€. Skyrock. Avec Mathis de Montpellier. Salut Mathis. Bonsoir Fred, bonsoir la MZ. Ça va bien Mathis? Très bien et toi? Tu es supporter de la MZ? Ouais, un petit peu. Je découvre un petit peu ce soir dans Planet Rap. Mais c'est vrai, tu as raison. Il y a aussi plein de gens qui vont découvrir cette semaine la MZ. Le 4 mai. Ça va, pour l'instant, voilà. Tu apprécies, Mathis, ça va? Ouais, ça va, c'est sympa, je connaissais pas, hein. J'écoute un peu cette semaine, et puis voilà, quoi. Ah, merci, c'est bon. Et bah, c'est fait pour ça, tant mieux, Mathis. À découvrir. On fait tourner la roulette, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop, on y va. Stop! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Planet Rap 2015 avec les 60€ en bon d'achat qui arrive à la maison pour acheter, tiens, pour découvrir encore plus la MZ, tu pourras acheter aussi l'album. Ouais, lundi, hein. Si tu veux. Dès le 4 mai. Merci Fred, merci Skyrock. Et ben merci à toi Mathis. Si. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. La soirée s'annonce plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous, la MZ repos ce soir? Non, ce soir à 21h, il y a ma substance qui sort. On va regarder toute la nuit. En boucle. Ah, on va bien représenter le clip. Avec Roro le profanateur, on va regarder ça toute la nuit. Et ben on salue Roro aussi, le profanateur. Si. Parmi nous. Merci à vous, la MZ, pour cette soirée dans Planète Rap. Pas de soucis, merci à toi. On va se retrouver demain. Demain, il n'y a pas de soucis. Demain, on se rapproche de la sortie. Demain, on sera à J-4. J-4 et demain J-4. On viendra avec Chiche, Marlo, Mallory ils vont venir balancer un gros freestyle. Et bah loupez pas demain. Merci à vous tous, merci à ceux qui sont passés, merci à TPLS, tout le monde, les gars, qui nous a ambiancé. On rappelle que l'adresse c'est rue du 4 septembre à Paris pour ceux qui veulent se. Ce qui est assez fou, c'est cet endroit, vous trouvez tous les alcools qu'on trouve pas ailleurs. Tout ce que vous pouvez pas trouver ailleurs dans vos Franprix, dans vos supermarchés, je sais pas quoi là, non. Ça se trouve chez TPLS, mon frère. En vous rappelant qu'évidemment. à consommer avec modération évidemment. Pas avant de conduire, et surtout pas avant de conduire. Ni avant un rapport, tu vois. Non, un rapport, j'ai pas dit, moi j'ai pas dit la suite, j'ai dit un rapport. Un rapport de vitesse. Ah, je sais pas, ni avant un rapport. Merci à vous, en tout cas, la MZ. Voilà, un gros big up. Dans 10 minutes, ma substance. Un gros big up. Et dans 10 minutes, il y a le clip qui arrive. Passez une bonne soirée, c'est D-Fool. Salut D-Fool, toute l'équipe. Salut Fredo. Hello. Salut Planète Rap. Salut. Planète Rap, le retour demain, 20h, 21h. Yes. Et vous avez reconnu le son là qui passe derrière moi. Eh oui, c'est ouais, Wiz Khalifa. Bien joué. Wiz Khalifa. Et Charlie Put. Oui, alors Charlie Put, il sera pas dans l'émission ce soir, Charlie Put. J'aimerais bien le rencontrer, ce Charlie Put, pour lui demander comment ça fait d'être une pute. Ouais, voilà. Vous portez ce nom. Ça va lui faire plaisir en plus. Ils sont deux sur le morceau. Wiz Khalifa et Charlie Puff, ça se dit. Ouais, Charlie Puff. Et ben, Wiz Khalifa, le retour. On va le retrouver ce soir, d'ici un petit quart d'heure, même pas. Hein. 10 minutes, un quart d'heure. Wiz Khalifa sur Skyrock. Ça fait plaisir. D'ailleurs, ça ferait bien plaisir de démarrer la soirée avec un son de Wiz Khalifa. Eh bien, c'est possible. On va se mettre Young, Wild and Free. Ah, bien ça. Avec Snoop. Ouais. Oui, parce que c'est un peu le petit fils, le fils de Snoop. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Même taille et puis surtout même dose qui se voit dans la gueule, tous les deux là. Ah, ils s'en mettent plein la gueule. Allez, grosse soirée avec Wiz Khalifa, mais pas que, on en reparle dans un instant. C'est Radio Libre et c'est parti sur Sky.